d'extérioriser son énergie. Il n'y a pas dans le monde de méthodes qui peuvent permettre à l'homme d'extérioriser son énergie. Il y a dans le monde une instruction, il y a dans le monde des points de référence pour l'homme, mais c'est l'homme lui-même qui devra, de ses propres mains, de son propre labeur, de sa propre souffrance, conquérir les sommets de son inquiétude et apparaître pleinement ennobli de sa souffrance et de son initiation solaire sur les plaines d'une nouvelle personnalité, d'une nouvelle créativité, d'un nouveau moi intégré à une conscience totale, à une conscience cosmique. Tout le reste ne fait partie que des mouvements d'avance et de recul qui ont toujours fait partie de la conscience de l'humanité, qui ont toujours fait partie de l'évolution, qui ont toujours fait partie des efforts spirituels de l'homme. Nous ne sommes plus au stade, les hommes aujourd'hui, de continuer à faire des efforts. L'homme est fatigué, l'homme est épuisé, l'homme doit vaincre, l'homme veut vaincre. Mais pour qu'il vainque, il faut qu'il sache comment il est construit, comment il fonctionne, comment ça fonctionne la vie en lui et comment les voiles en lui sont grands et jusqu'à quel point ils font partie de sa conscience planétaire. L'homme ne peut plus constamment se battre. L'homme ne peut plus constamment s'épuiser. À un certain moment, il sera obligé de lever la tête. Il sera obligé de prendre conscience de lui-même. Il sera obligé de se réaliser. Et cette réalisation sera vibratoire, sera intuitive, sera subtile. Elle fera partie du domaine de son esprit et non plus du domaine de sa mémoire. L'homme ne peut pas être heureux sur la terre tant qu'il n'a pas extériorisé son énergie. Il ne peut pas être complet dans sa conscience tant qu'il n'a pas extériorisé son énergie. Il y a des hommes sur la terre aujourd'hui qui extériorisent une certaine partie de cette énergie, mais elle n'est pas totalement extériorisée. La preuve, c'est qu'ils sont impuissants à faire certaines choses. Ils sont impuissants à rendre dans le monde ce qu'ils sont vraiment dans leur totalité. Il y a effectivement dans le monde des grands hommes. Il y en a toujours eu. Mais ces grands hommes n'ont jamais été capables de parfaitement extérioriser leur énergie. Il y a des hommes tels le Nazaréen qui a parfaitement extériorisé son énergie et aujourd'hui nous vivons encore des conséquences de sa conscience, des conséquences de sa présence sur le plan matériel et en dehors des aspects plutôt religieux de son apparition sur la Terre. Il y a les aspects cosmiques occultes que l'humanité encore ne comprend pas. Donc, il y a des êtres qui peuvent, qui pourront extérioriser leur énergie. Et lorsque ces hommes, individuellement, auront senti la subtile définition de cette réalité, ils sauront ce que nous disons aujourd'hui et ils seront capables de commencer à réaliser qu'ils sont quelque chose d'autre. Qu'ils sont quelque chose d'autre. Qu'ils ne sont pas ce qu'ils étaient auparavant, mais qu'ils sont quelque chose qui se définit en fonction de cette énergie, seconde par seconde, moment par moment, au fur et à mesure qu'elle se manifeste et au fur et à mesure qu'ils sont capables de la laisser passer, de la laisser couler à travers leur ego, sans faire interférence, sans la bloquer, mais en se servant de leur intelligence et de leur volonté pour lui donner une modalité, pour lui donner un visage qui convient à leur personnalité et qui convient à leurs besoins. Une des raisons fondamentales pour laquelle nous ne sommes pas capables d'extérioriser notre énergie, c'est parce que nous voulons être créatifs. Ce n'est pas mal en soi de vouloir être créatif. Mais il y a une créativité qui est égocentrique, alors qu'il y a une autre créativité qui est totalement créative, c'est-à-dire qui est le produit du passage de cette énergie à travers l'ego. Ce que nous avons de besoin de reconnaître, ce n'est pas les mécanismes psychologiques de notre créativité, c'est plutôt la réalisation qu'il existe en nous une force mentale capable de rendre dans le monde cette énergie, pourvu que nous ne la bloquons pas. Mais nous nous donnons toutes sortes de prétextes, consciemment ou inconsciemment, pour empêcher que cette énergie se canalise. Nous créons en nous toutes sortes de conditions psychologiques nous permettant de nous sécuriser dans l'expression d'une nouvelle conscience lorsqu'en fait nous sommes en train de nous retarder de forme ancienne pour une forme nouvelle. Nous avons changé la comptale pour la conscience supramentale. Et nous croyons que parce que aujourd'hui nous savons certaines choses vis-à-vis la conscience supramentale, que ceci nous suffit pour extérioriser notre énergie. Je vous dis, ceci est un voile. Que nous parlions de conscience mentale ou que nous parlions de conscience supramentale, nous parlons de mots, nous parlons de formes, nous utilisons des formes pour expliquer la potentialité réelle de l'homme. Mais ce n'est pas en nous cachant derrière une forme nouvelle que nous pourrons devenir des hommes nouveaux. Il est évident qu'aujourd'hui, au stade où nous en sommes, après toutes les années où nous avons parlé de conscience, où nous avons expliqué les mécanismes de l'homme, qu'il ne nous est plus opportun de nous mettre le doigt dans l'œil et l'autre dans l'œil. Pour que l'homme nouveau extériorise son énergie, il lui faut dépasser les limites psychologiques de sa conscience actuelle. Il lui faut dépasser les limites psychologiques de sa conscience actuelle, c'est-à-dire qu'il faut qu'il se débarrasse de ses attitudes mentales, de ses attitudes émotives, et qu'il fonce, aidé seulement et supporté seulement par les forces de vie. Non pas par les intentions, non pas par les attitudes, non pas par les rêves, non pas par les désirs, mais qu'il fonce, aidé et supporté seulement par les forces de vie en lui. Un homme qui est capable de foncer, supporté seulement par les forces de vie, automatiquement doit un jour extérioriser son énergie créative. Mais s'il croit devenir créatif, s'il croit extérioriser son énergie créative en se liant d'amitié avec ses habitudes, ses attitudes, ses désirs et toute la mécanicité de sa psychologie planétaire, il est évident qu'il ne sera jamais capable d'extérioriser cette énergie et de se compléter dans la vie et de se complaire parfaitement dans la vie, autrement dit, de se sentir parfait dans la vie. Il n'y a rien d'impossible à l'homme. Il n'y a rien d'impossible à l'homme. Aucun homme est empêché sur la terre, qu'il soit de quelque nation que ce soit, de créer les conditions qui conviennent à son intelligence et à sa volonté, pourvu qu'il soit conscient de la réalité de ceci. Un homme qui est conscient de la réalité de ceci, pour lui n'existe plus les frontières politiques, pour lui n'existe plus la pauvreté, pour lui n'existe plus l'inquiétude terrestre, existentielle. Pour lui n'existe que la créativité, l'émancipation, l'œuvre et la conquête éventuellement de la terre, au fur et à mesure que les hommes de la terre deviendront de plus en plus conscients. Et ceci fait partie de l'évolution, et ceci ne regarde pas égoïquement l'homme d'aujourd'hui. Ceci regarde et fait partie de l'activité subtile des forces créatives de vie dans l'homme. Donc, l'homme, pour devenir créatif, pour extérioriser son énergie créative, il doit prendre conscience, éventuellement, que la relation entre lui et la Terre, entre lui et la civilisation, n'est qu'une relation de fonction. Et que cette relation de fonction n'est pas une relation de vie, mais simplement une relation de fonction de vie. Donc, la société, elle existe, elle est nécessaire et elle peut être belle, pourvu que l'homme réalise que son lien ineffable est avec lui-même et non pas avec ce qu'il a créé.